Non, en plus, on est à une époque où même quand quelqu'un devrait ne plus avoir aucune crédibilité, parce que ce qu'il fait aboutit exactement au contraire, Oui. ben aujourd'hui, il y a encore une crédibilité. Exactement comme François Legault qui était là pour redresser l'économie du Québec, la stimuler, puis sous son règne, on a eu plein de fermetures d'entreprises et cet homme-là est réélu et son slogan de campagne électorale, c'est continuons comme s'il faisait du bon travail, Ben. puis il répondait à son mandat qui véhicule à la base à la population. Ben oui, puis dans le fond, bon, c'est dommage, mais il va falloir le subir jusqu'au bout. Il Bien, va ça, falloir s'en j'ai trouvé tenir. ça intéressant quand tu as fait récemment une vidéo en lien qu'une analyse politique, là, ça dure presque 50 minutes où tu passes différentes personnalités, là, dont François Legault. Et je suis au même constat que toi, c'est-à-dire que les gens pourraient faire le nombre de manifestations qu'ils veulent, des vidéos de dénonciation, des pétitions, des ci, des ça, mais la seule façon que la population sature de lui, c'est qu'il subisse les abus d'autorité et c'est à C'est travers la ça. souffrance que si le peuple a à s'éveiller, va le faire. Ben oui, c'est comme ça qu'on s'est débarrassé d'un paquet de choses au cours de l'histoire. Puis ben franchement, moi j'avais dit dès le début, c'est comme ça que ça va. Puis même, je disais, je parlais avec du monde qui disait, oh, moi j'informe le monde, c'est à veille de soulever. Puis ben, tu vois, il va y avoir des soulèvements périodiques, c'est des petits mouvements sociaux. Comme Marginaux, à la, mais c'est ça n'a ça, pas comme amené de la marche dehors, changement, les c'est ça, ça n'a gars. pas amené de changement significatif dans le sens que il a été réélu aux élections, puis son opposant le plus crédible, Éric Duhaime, qui voulait véhiculer du changement, non seulement il n'a pas été élu, mais il n'y a aucune personne de son parti qui est à l'Assemblée nationale, Ben alors là. qu'il y a au-dessus de 500 000 personnes qui ont Puis, voté pour lui. en plus, il y a des irrégularités, là. Oui, Tu des sais, il y a plusieurs irrégularités dans. témoignages. Ben, Ben, moi, il y a écoute. quelqu'un que je connais ici, tu es allé pour voter, puis son nom n'était pas sur la liste électorale, puis il n'y avait pas de raison. Il était là avant. Pourquoi là, il n'est plus là? Parce qu'elle, ben, sur Facebook, elle a dit ce qu'elle pensait de François Legault, peut-être. Ben, par plusieurs variables. C'est sûr que quand la Ben là, liste c'est électorale se met bizarre. à jour, ben, des fois, peut-être qu'il y a un oubli de transfert de données. Ben, regarde, dans le comté à Legault, là. Non, non, pas à Legault, à Lévesque, puis Duhaime. C'est quoi donc ce qu'on en tout cas? Ils l'ont dit, le Chauveau. personnage. On a reviré des dizaines de, puis des dizaines de personnes. On en était gênés. On était gênés. C'est bizarre. Panto, puis moi, l'évêque, là, je parle pas toi, là, mais le député qui est rentré à la place à Duhaime. Oui, dans le côté de Chauveau, par rapport à la ville de Québec. Ce gars-là n'a aucun charisme, puis il est haï. Et de quoi qu'il marche pas, c'est bizarre, là. Comment ça qu'il est rentré en bosse en plus? T'es en bosse, ça? Les Non, non, il n'est Beaux-Sons. pas en Beauce. En tout cas, Non? c'est parce qu'il y a eu une polémique au niveau du Ouais, nombre de je. votes par rapport à c'est Beauce-Nord ou Beauce-Sud en termes de comté, là, c'est un des deux. Hein? Lui, il a appelé la police parce que le monde beurrait ses pancartes de sang. T'sais, la population réellement a trouvé ce gars-là plus charismatique. Je veux dire, je sais pas, là, moi je fais juste voir sa photo, puis Ils n'ont j'en peut-être pas voté pour le charisme, ils ont peut-être voté pour l'argent. C'est-à-dire que François Legault, d'une manière pas Bon, très ben, ils subtile, méritent ce qui leur arrive d'abord. C'est de la corruption. ben, c'est parce que d'une manière pas très subtile, il a dit aux gens, parce qu'au printemps, les gens ont eu un crédit d'impôt de 500 $ sous Si vous prétexte. votez, on va donner un autre 500. Ben, en fait, c'était en 400 puis 600. Moi, ben c'est Qu'il ça. avait promis s'il était réélu, et plus Ouais. particulièrement pour les personnes âgées. Un crédit d'impôt de Ah oui. 2 000 $, donc pour les 70 ans et plus. Moi, c'est sûr que je suis content parce que ma mère qui avait écouté d'ailleurs tes vidéos, je la salue si elle m'écoute, elle a dit, je me laisserai pas corrompre. Puis même si on me promet 2 000 $ de plus par année, je ne voterai pas pour lui, je ne réussirai pas à Ah bon. m'acheter par rapport à ça. Ben Mais, ça, c'est. ouais. T'sais, je veux dire, c'est ça dans le fond de l'intégrité. Oui, par contre, il y a un prix à payer dans le sens qu'elle n'est plus sur le marché du travail. puis est à merci, c'est sûr, de sa pension de vieillesse. Fait que si l'inflation augmente, comme au Québec, c'est à peu près 7 % et son revenu n'augmente pas en proportion, il y a une dégradation de son pouvoir d'achat qui s'opère. Ben oui. T'sais, dans le fond, à un moment donné, ben, va falloir assumer même au-delà de ça. Dans le sens que, bon, ben, à un moment donné, faut que tu choisisses le réel, même si ça te nuit. Dans le sens que c'est transitoire, là. De toute façon, moi, j'aime mieux, t'sais, carrément pas voter. Puis de perdre les élections que de gagner de même. Tu sais, ben, qui envoie les chèques de 500$, bon. C'est sûr, je vais le prendre, je veux dire, ça amoindrait des chances. Exactement, mais quand on regarde cette manipulation-là, parce que là, on est dans du grossier que j'appelle, c'est-à-dire que carrément, moi, j'appelle ça acheter des votes. J'ai ça aussi. Tu sais, c'est pas subtil du tout, là, pour une Ben scène, non. là. C'est comme tu votes pour moi, je te donne 500 piastres. Oui, puis tu sais, c'est tout le temps, même, je veux dire, c'est comme il dit carrément, je vais vous donner 500 pièces, votez pour moi, mais comme c'est tout le temps subtil, puis par en dessous, ben, choisis un chiffre entre 4 puis 6, là. OK, ça va nous faire croire que c'est un choix qu'on fait. Ben non, on est conditionné à voter pour lui. Puis c'est comme un mononcle qui offre des bonbons, là. Puis le monde, ben, il préfère avoir des bonbons tout de suite que plus de bonbons plus tard. Donc, la difficulté à retarder la gratification pour leur Ben intégrité. là, ça donne quoi de se faire payer 500 piastres pour se faire crisser toute l'économie à terre? Puis finalement, dans 5 ans, ça va être comment, là? Bien, c'est ça, c'est parce que le paradoxe là-dedans, c'est qu'il promet de l'argent à cause de l'inflation, mais c'est précisément sa mauvaise gestion en tant que gouvernement, que ce soit lui ou Trudeau, qui amène une situation d'inflation en inondant l'économie avec des dollars là, qui vont émettre, là, qui reposent sur rien, là. C'est ça, puis qu'à la longue, ce dollar-là, la valeur va tomber. Ben c'est ça. Fait qu'en réalité, tu sais, peut-être quelqu'un qui a moindrement de la jugeote ou un sens du calcul pourrait dire, ben ton 500 $ par rapport à tous les dégâts que ta mauvaise gestion occasionne, ben c'est rien, c'est des peanuts. Tu sais, quelqu'un qui, t'as même pas besoin de doctorat en mathématiques, si tu regardes que le coût de l'essence double, quand même que tu donnes 500 $, ça couvre pas toutes les Ben augmentations, non. tes dépenses en termes de Ah, carburant sur c'est une rien. année. C'est rien. C'est là qu'on voit le monde. Ils sont. Comment le monde est endormi? Je veux dire. Puis pourquoi ils voient pas. Ils voient pas ça? C'est parce qu'ils réfléchissent puis ils rationalisent. Parce que dans le fond, ça, t'as pas besoin de. Je veux dire, tu fais juste le voir. Tu le vois, ça n'a pas de bon sens. Ce qui est évident pour moi, pour toi, ne l'est pas nécessairement pour des gens. Et Non. comme les gens n'ont pas nécessairement un esprit de calcul, de se faire dire, ah, 500 $, ben ils pensent que ça Mais t'as même pas compense pour besoin d'un l'inflation. esprit de calcul. Ils ont un esprit de calcul, mais il est subjectif. C'est comme les gens qui disent, ben, oui, j'ai été malade après avoir reçu mon traitement, mais imagine si je l'avais pas eu, j'aurais été encore plus malade. Ça, c'en est de la rationalisation. C'en est de l'esprit de calcul, mais c'est pas lucide. C'est pas nécessairement réel. Ben non. C'est pour ça que le monde, ils vont rationaliser. Ce sera jamais de la faute à Legault. Ce sera jamais de La faute à Macron en France pour les Européens qui nous écoutent, qui l'ont réélu. Eux autres, ils ont Oh, réélu. mais il est bien plus haï, Macron, je pense, que Legault. Je parle en moyenne, là, par les Français. Oh non, ben on verra ce que ça va donner. Moi, je pense qu'il n'y a aucune idée de... S'ils viennent, ils sont déconnectés de la réalité. Macron ne se rend pas compte. Ça risque de très mal finir. Puis ça paraît de la façon qu'ils agissent, qu'ils s'en rendent pas compte. Ils sont complètement déconnectés. Puis ça risque de mal finir. Je veux dire, quand le général de Gaulle est obligé de partir en panique, l'Élysée en hélicoptère en 68, c'était pas à comparer avec ce qui se passe maintenant. Mais s'il arrive une situation de même, Macron n'aura même pas le temps. Ça se peut même que sa sécurité le livre au monde. Ça ne me surprendrait pas, c'est déjà arrivé dans l'histoire, comme avec Ceausescu. Donc, Puis lui, dans le fond, il va servir pour que la foule se défoule. Pendant ce temps-là, les vrais responsables sont en train de se sauver. Exactement, puis lui a été utilisé comme pion qu'on jette après usage au nom d'un agenda qui Ben. l'échappe, qui le dépossède. Et c'est sûr que c'est la face visible, si on peut dire, de l'iceberg, de la pyramide du pouvoir, mais les vrais dirigeants, tu les verras jamais devant la caméra. Un petit peu quand même, là, mais sont assez rares. De toute façon, ben franchement, moi je pense qu'ils se rendent pas compte. Vraiment pas. C'est comme l'autre en Suède, là. Qu'est-ce qu'elle a fait dernièrement? Non, je pense, en tout cas, de plus en plus, je les vois qu'ils ont vraiment pas de discernement. Puis ils ont vraiment pas l'air de. Ça n'a aucun sens tellement que c'est comme quand Legault il disait, ben là, l'attention monte, les gens sont de plus en plus menaçants. Puis, ouais, mais moi, je l'avais dit avant, je dis, ils se mettent en danger de la façon qu'ils agissent. Puis Puis après ça, eux autres sont là, ben là, les gens reçoivent des menaces. ils s'en rendent pas compte, puis ils réalisent pas Ben comment ils non. participent à cette situation. Il y a un volet de déni. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'aveuglement psychologique qui s'opère chez Bon, il eux y a de l'aveuglement volontaire, c'est un peu aussi. aussi une façon de prendre la responsabilité puis de la remettre sur le monde puis de dire, ben, c'est encore, ça revient encore à dire, ben, ces gens-là sont méchants parce qu'ils sont méchants. Ça n'a pas rapport. Mais il reste que, jusqu'à la fin, Ah, mais il reste qu'ils se mettent nier, réellement en danger. ils peuvent s'enfermer, là, un peu comme bunker, dans le bunker qu'Adolf Hitler s'était enfermé dans les derniers jours de la fin du Reich. Puis, tu sais, dans les derniers temps, ils imaginaient des déplacements imaginaires de troupes allemandes qui n'existaient même plus, où ils avaient Ben réquisitionné oui. un bataillon allemand pour jouer dans un film alors qu'ils étaient en train de perdre la guerre. Ben, Ils c'est des devenaient. décisions irrationnelles. Exactement, totalement illogique. Ben là.